émission pour vous, les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie à l'appareil pour vous servir. Donc, Mélomanes, édition du 16 décembre 2015. Merci d'être là, comme toujours. J'espère que vous avez apprécié le spécial hommage à John Lennon de la semaine dernière, qui soulignait évidemment le 35e anniversaire de sa mort. D'après les commentaires que j'ai eus, en tout cas, ça a l'air de vous avoir plu. Évidemment, c'était pas votre soirée si vous étiez pas fan, mais quand même, je pense qu'on s'est pas trop tenu dans les évidences qu'on entend souvent et qu'il y avait quand même quelques découvertes à faire, du moins, je l'espère. Ce soir, on s'approche des fêtes, mais on y est pas encore tout à fait. On est plus dans la période dite de l'Avent, donc quelques pièces de Noël à travers un beau varié comme on les aime. Et faites-vous-en pas trop pour le Noël, on va y aller à la mélomane, donc en évitant les versions qu'on a entendues et réentendues depuis des années, pour se pencher sur des petites merveilles qu'on entend beaucoup moins et quelques classiques aussi, pourquoi pas. De toute façon, on n'est pas rendu encore Noël, c'est plus la semaine prochaine, vous verrez. Là, on se met juste dans l'ambiance un peu tranquillement, pas vite. Mais il y a une chose, par contre, on se met tout de suite dans l'ambiance des parties et on niaise pas avec la POC ce soir, on fait ni une ni deux et on se lève de notre chaise pour danser. Et là, je suis sérieux, je vais le faire moi-même en studio, ça sera pas la première fois de toute façon. Donc faites comme moi, les Stones au 99.1 CFNJ. vraie radio du temps des fêtes. C'est CFNJ 99.1 et 88.9.

sex, so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you sex, so thank you. Et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Et on vient d'entendre le groupe britannique, Hot Chocolate avec You Sexy Thing de 1975, que je vous avais déjà fait jouer un petit bout de ça, mais c'est pas grave, c'est tellement bon. Et ça nous a donné une petite thématique sexy avec Sex Machine de James Brown en 1970, ou plutôt au long Get Up, I Feel Like I'm a Sex Machine, gros classique. Et on parlait de l'échantillonnage pratiqué par le monde du hip-hop la semaine passée. Eh bien, on avait là une pièce de choix. James Brown, qui est facilement un des personnages les plus échantillonnés de tous les temps. On a aussi entendu Rod Stewart en 1978 avec son méga succès « Do You Think I'm Sexy » qui suivait « Miss You » la même année. Des Rolling Stones qui, tels des opportunistes, avaient décidé de s'adonner au disco, la mode du moment, mais ça nous a quand même donné une très bonne chanson. On lâche pas la patate et on perd pas le rythme, surtout si je vous dis Jacob Miller de Jive Turkeys ou Binky Grip Tight, ça vous dit rien, mais vous m'en donnerez des nouvelles. Donc on se transporte en 1978 avec Jacob Miller et le DJ Ray I au 99.1 CFNJ. song is going out to all the rent man, the trade board man, and all kind of house man. I imagine this Christmas I'll rain all the fall child house. The pick me all the wash and all the on the first day of Christmas, my feelings wasn't good. I am broke, hard and broke. I don't know what to do, this and deal. On the second day of Christmas, my belly started to roll. Pick me out a door and I don't know what to really do. On the third day of Christmas, the rent man started to bawl. Looking great, 'cause I sure I've been out to upstairs asleep. It's time for old Santa Claus to make his midnight creep. Oh, Santa Claus wants some loving. Yeah, now Santa Claus wants some loving. I know it's something real pretty under that Christmas tree. I ain't had no loving in this worrying me. Cause Santa Claus wants some loving. Do you hear me? Santa Claus wants some loving. I'm trying to fix this old bicycle. I can't seem to find my plow. I'm halfway watching mama before she gets that sleeping eye. Cause Santa Claus wants some loving. Buddy, Santa Claus wants some loving. Christmas. it's coming on Christmas. They're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to skate away on. I made my baby cry. He tried hard to help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away. I had a river so long, I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away. They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. I was following the path. scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime. Toujours à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ. Ou comme vous avez pu le constater, on vient de faire notre première incursion dans le domaine des chansons du temps des réjouissances. Mais vous avez aussi remarqué qu'on n'y a pas été avec des pièces qu'on entend très souvent. Ça, je vous réserve ça pour la semaine prochaine, pour le 23. Et encore là, on va quand même essayer d'y aller dans la découverte, même le 23, à la mélomane, quoi. Mais disons que ce qui sonne plus Noël, vous allez l'entendre la semaine prochaine, où on sera encore plus dans l'ambiance, évidemment. Un beau petit bloc qu'on vient d'entendre qui était lui-même séparé en deux. Là, de ce côté-ci, on vient d'entendre deux magnifiques pièces qui sont pas nécessairement des chansons de Noël à proprement parler, mais on pourrait dire des pièces qui évoquent la période des fêtes ou tout simplement la saison. On a entendu l'excellent groupe Fleet Foxes en 2008 avec la merveilleuse White Winter Hymnal et ses harmonies vocales sublimes, tirées de leur tout premier album homonyme de la même année. Un groupe et un album que je vous suggère fortement. Et c'était précédé de River par Joni Mitchell, dont l'intro cite Jingle Bells et qui l'a déconstruit totalement. C'était tiré de l'album intemporel qui est Blue de 1971. Un album que je vous suggère avec autant de véhémence. Et pour la première partie du bloc, là, on était dans le Noël carrément, mais comme je vous disais, un Noël assez différent, merci. En fait, un Noël funk, blues et reggae, rien de moins. Tout ça a commencé en Jamaïque avec Jacob Miller et On the 12 Days of Christmas, tiré de Natty Christmas de 1978. On s'est ensuite dirigé dans un son plus funk avec les Jive Turkeys et leur Get Down Santa, qui sonnait vieillotte, mais qui date en fait seulement de 2010 et qui s'inscrit dans le mouvement du néo-funk, si on peut dire. Ensuite, un classique, une légende du blues, il s'agissait d'Albert King en 1974 avec son 45 tours de chez Stax, Santa Wants Some Lovin', parce que oui, le Père Noël a lui aussi besoin d'amour. Et sinon, la très, très funky Stone Soul Christmas de Binky Griptight, guitariste des Dap Kings, groupe qui accompagne Sharon Jones, qui vient d'ailleurs de sortir un excellent album de Noël, tout juste de sortir. Donc, encore une fois, une pièce qui, malgré son cachet vieillot, nous provient seulement de l'an de grâce 2006. Et on poursuit en musique, cette fois du côté, un côté plus rock, voire même opéra rock et rock progressif, le groupe Caravan au 99.1 CFNJ. Pink were on the Boy Scout stop to think they'll be coming back again, those nasty grumbly grimblies, and they're climbing down your chimney. Guess they're trying to get in. Come to take your money, isn't it a sin? They're so thin. There's black pockets in the sky. Don't leave your dad in. Cigarettes burn bright tonight. They'll all get washed down the drain. So we sail away for just one day to the land where the buckwheat grows. You won't need any money, just fingers and your toes. When it's dark, our boat will park on the land of warm and green. Pick our fill of punkweed and smoke it till we bleed. That's all we'll need. We're sailing back in morning light. We'll wash our teeth in the sea. And when the day gets really bright, we'll ecstasy, drinking I wish you a brave new year. All anguish, pain and sadness, leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas, they said there'd be peace on earth. Hallelujah, no, there'll be heaven or hell, the Christmas we get we deserve. Dreams and all these depuis 30 ans. CFNJ 99 ans. Centre et sud de la Nodière nuageux pour les prochaines heures, un minimum de moins 2 degrés. Jeudi, de la pluie qui débute en matinée, risque de pluie verglaçante aussi le matin, maximum de 6, et ensoleillé pour vendredi, maximum de 3. Les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon nuageux pour les prochaines heures, maximum à 0. Des nuages aussi cette nuit, minimum moins 4. Jeudi, neige qui se change en pluie le matin, risque de pluie verglaçante tôt en matinée, maximum 5. Et alternance de soleil de nuages pour vendredi, maximum 0 degré. CFNJ 99.1 De retour à Méloman, où on vient de passer à travers un bloc plus prog, et on vient d'entendre nul autre que le groupe Jethro Tull avec un classique de Noël, soit la pièce traditionnelle God Rest Ye Merry Gentlemen, dans un arrangement plus jazzé d'Ian Anderson, flûtiste, chanteur, guitariste et même fondateur du, membre fondateur plutôt, du groupe formé en 1967. Mais c'est une pièce quand même très récente qu'on a eu droit à, considérant la carrière du groupe, parce que ça nous provient de leur album de Noël de 2003. Quand même, juste avant de tirer de l'album légendaire, premier opéra rock jamais composé par Pete Townshend, Tommy, par le groupe The Who, et on a entendu la chanson tout simplement intitulée Christmas, et on était en 1969. Et sinon, on est resté dans le monde très vaste du rock progressif des années 70 avec Emerson, Lake & Palmer et la composition de Greg Lake et de Peter Sinfield, deux gars qui vont passer dans les rangs de King Crimson sur le légendaire premier album In the Court of the Crimson King. Donc, il s'agissait d'I Believe in Father Christmas de 1975, une composition qui n'était pas vraiment destinée à devenir une chanson de Noël comme telle. C'était même une pièce qui se voulait un peu dénonciatrice du côté commercial des fêtes, mais que voulez-vous, ça fait aussi partie des fêtes modernes, et c'est tout de même un très bel air, tout à fait de circonstance. Et c'était précédé cette fois-ci d'un groupe de la scène de Canterbury en Angleterre, un endroit d'où va sortir une panoplie de groupes du genre. On pense à Gong ou Soft Machine, quand même des groupes obscurs, mais un son particulier pour cette scène-là. Mais nous, on a entendu In the Land of Grey and Pink de Caravan en 1971, que je vous invite à découvrir si le genre vous plaît, bien sûr. La pièce In the Land of Grey, l'album aussi s'appelle In the Land of Grey and Pink. On écoutait ça et il y avait un petit délai au début. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On continue, plein de belles musiques à venir, dont les Ventures qu'on écoute à l'instant, mais Dieu sait que j'aurais voulu vous trouver la version des Jaguars qui est impossible à trouver. Je vous explique c'est quoi après. Naughty au 99.1 CFNJ. We'll be right back. respect pas. Faut que tu finisses ton repassage. Respect pas. Yagriac. Respect pas. Quand qu'arrivera ton chum à soir, dis-y que le beau-père est parti. Ce qu'il parle de moi, on va le savoir. En attendant son beau fusil, yeah, yeah. Ça rivient qu'à moi ces choses-là. On dirait que je suis né pour ça. Les embêtements, les embarras. Quand la petite Julie est en Casana, il porte sa croix sur sa tune épaule. Quand il s'abaissait la sang, on lui donnait des petits bonbons. Un petit bouquet de fleurs peut mettre son petit cœur. Saint-Joseph le Carpenter, il mangeait des chips. A dit vous papa, veux-tu bûcher du bois pour faire des petits pois? Trois petits pois, pois, pois, pois. Onze heures, puis aujourd'hui, ben c'est Noël. Puis pour moi, ben, c'est mon 18e. J'ai passé la journée à regarder dehors, puis ça fait trois jours qu'il neige bien raide, puis les chemins sont bloqués bien durs. Avant hier, on reçu des cartes, puis on passait la soirée à regarder les images qu'il y avait dessus. Moi, je suis pas pire. J'en ai cinq d'accrochés sur mon mur au-dessus de mon banc. J'en ai même une qui est faite à main. C'est de mon père. C'est un artiste, mon père. J'ai jamais été à l'école pour apprendre ça. C'est comme un don. Il est capable de dessiner tout ce qu'il voit, excepté ma mère. Il dit qu'elle est trop belle, puis il a jamais voulu essayer. Hé, Rosaire! Quelle heure qu'il est? Minuit dans 20? Merci, ben. Ça doit être noir de monde sur le perron de l'église. Mon oncle Papousse doit être nerveux là. C'est lui qui chante le minuit chrétien dans notre paroisse. Papousse, il doit tanker dur là, lui. La tête me tourne un petit brin, c'est que j'ai quasiment bu le 26 ans à Rosaire en écoutant les cantiques à radio. Ça n'a pas dérougi de la journée. Non, mais c'est Thibaut de la musique de Noël. C'est bien pour dire, on peut être un enfant, puis être capable de faire face à la vie, puis en ce moment, ben, j'ai comme des boules dans la gorge, puis si c'était pas que ce maudit orgueil, ben, je crois bien que je broyerais. Ah, c'est une grande chose, pareil. Un petit enfant vient au monde, puis toute la terre le sait. Petit Jésus, même nous autres ici dans le bois, qui te blasphèment à la grande journée, tu sais que c'est pas pour mal faire. On apprend à se sacrer avant de marcher. C'est pas pour être méchant, petit Jésus. Toi, tu nous connais, c'est les gars de bois. Tu sais. Et les gars, vous êtes bien tranquilles. 7, 8, 9, 10, 11, tout. Joyeux Noël, tout le monde! Il est né, le divin enfant, jouez au bois, résonnez, musette. Il est né, le divin enfant, chantons tous solennellement. La la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Duke Ellington au 99.1 et 88.9 CFNJ, en plein cœur de notre spécial semi-Noël mélomane. On va l'appeler comme ça, mais écoutez, quoi demander de mieux que Duke Ellington, comme je disais, avec Sugar Rum Cherry, Sherry plutôt, en 1960, qui, vous l'avez sûrement remarqué, est en fait un air du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski, originalement Dance of the Sugar Plum Fairy, en anglais, parce que le titre original est en russe, logiquement. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que notre bloc avait aussi commencé avec un autre extrait de Casse-Noisette, soit la marche qu'on a entendue par les Ventures, qui appelaient leur version de 1966 « Naughty ». Et on soupçonne les Ventures de s'être inspiré de la première version rock de Bee Bumble and the Stingers en 1962. Une chanson qui, elle, s'appelait Not Rocker, excellente, que je vous ferai jouer un de ces jours. Et Camerson, Lake and Palmer, qu'on a entendu tantôt aussi, ont fait une version de cette chanson-là. Et c'est pour ça que je vous disais juste avant le bloc que j'aurais aimé trouver la version quasi introuvable des Jaguars, groupe du Saguenay, dont on a déjà parlé, qui s'appelait tout simplement Casse-Noisette Opus 71. Bref, on a quand même eu droit de la très belle guitare, gracieuseté de Noki Edwards des Ventures, oui, mais aussi de Jérôme Lemay au sein des Girola qu'on a entendu juste après avec Yakari Yak de 1959, reprise des Coasters. Et c'était suivi d'une toute petite chanson de 30 secondes par Plume la Traverse en 1971 avec le petit Jésus pour l'occasion. Et là, deux petits bijoux à peu près du même thème, soit celui du travailleur lointain qui s'ennuie de sa famille parce que c'est Noël ou simplement parce qu'il s'ennuie tout court. Donc, on a entendu Tex Lecor en 68 avec Noël au camp, suivi de La Manique, ou plus précisément La Complainte de La Manique de Georges Dor en 1966. Et sinon, un petit Bert Kampfert avec Christmas Wonderland de 1963, une pièce qui nous donne le goût de chanter « Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots », mais qui part complètement dans une autre direction. En plein ce qui nous intéresse ici ce soir, mais là, on y va avec des airs que vous allez peut-être connaître. Un petit clin d'œil à un synonyme des fêtes pour toute une génération. J'ai nommé « Ciné-cadeau » au 99.1 CFNJ. six oreilles empoisonnées. Les beignets mortels. Oui. Macarons foudroyants. Pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Oh, le pudding à l'arsenic. Oh oui! Dans un grand bol de strychnine, tel délié de la morphine, fait tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Hein? Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un thé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Ah, bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre part est molle. Et un peu de vitriol. Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois. Yeah. Oui. Long sans doute. Yeah. Oui. I ain't nobody.

l'amour s'éveille au jour après mille détours. Faisons la paix si tu veux. Toujours à Méloman, spécial semi-Noël de l'Avent au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on vient de faire un voyage nostalgique au pays de Ciné-Cado qui revenait chaque année quand plusieurs générations d'entre nous étaient petits et où plusieurs d'entre vous étaient peut-être même les parents de ces petits. Donc, voyez-vous, ça a rejoint pas mal de générations et ça continue même de se perpétuer, si je ne m'abuse. Et tout ça est synonyme du temps des fêtes pour plusieurs Québécois et des francophones des autres provinces, j'imagine aussi. Et c'est pour ça qu'on a entendu ici quelques succès qu'on entendait chaque année, comme Nathalie Simard qui vient tout juste de jouer et la pièce qui clôturait la guerre des Turcs, la guerre des Tucs originale en 1984, celle qui est pas en 3D, là. L'amour a pris son temps, qui se mettait à jouer juste après que le chien de Pierre vienne de mourir. Et ça, c'était très triste, mesdames et messieurs. On a aussi entendu la finale classique de Lucky Luke, tirée du film Daisy Town de 1971, Poor Lonesome Cowboy, qui a été abondamment réutilisé par la suite avec la série. Et ça, on le sait moins, mais c'est Pat Woods qui en est l'interprète avec sa voix très profonde et le français Claude Bolling qui l'a composé. Claude Bolling, dont on a parlé récemment à l'émission et qu'on avait entendu avec son groupe Les Parisiennes. Je vous avais dit qu'il avait composé de la musique pour les Luc et Luc. Eh bien, en voici la preuve. Et j'ai pas pu résister après à l'envie de vous mettre les Dalton de Joe Dassin de 1967, juste après, parce que le lien se faisait tout seul. Sinon, on a aussi eu droit au Pudding à l'arsenic que nous interprète À mon bon fils et Tournevis dans le classique Astérix et Cléopâtre, un grand classique de 1968 qui était aussi un pilier de Ciné-Cadeau. Et le tout avait été amorcé par le thème de Charlie Brown, Linus and Lucy, par le trio omniprésent dans l'émission, celui de Vince Guaraldi en 1965, qui va devenir non seulement un classique de Ciné-Cadeau, mais aussi de Noël en général. Et voyez-vous, ça rejoint bien des générations 71, 68, 65. C'est tous des trucs qui dataient d'avant Ciné-Cadeau. Donc, ça rejoint plusieurs générations. Et on y va maintenant avec un autre petit bloc des fêtes concoctées avec amour qui débute avec un autre classique du genre. Le thème du sapin à des boules au 99.1 CFNJ. Everybody knows there's not a better time of year. Hear that sleigh, Santa's on his way. Hip hip hooray for Christmas vacation. Got a ton of stuff to celebrate. Now it's getting closer, I can't wait. Wait and see this Christmas vacation. This old house sure is looking good. Got ourselves the finest snowman in the neighborhood. Ain't it fun? Always on the run. That's how it's done on Christmas vacation. Get a toasted fire burning tight. He'll send it the warmest welcome that he's ever had. We're so glad it's Christmas vacation. And when the nights are peaceful and serene, we can cuddle up and do our beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hopalong boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's

they told me. Pa-ra-pa-pa-pum. There's a newborn king to see. Pa-ra-pa-pa-pum. Our finest gifts we bring. Pa-ra-pa-pa-pum. To lay before the king. Pa-ra-pa-pa-pum. Ra-pa-pa-pum. Ra-pa-pa-pum. So to honor him. Pa-ra-pa-pa-pum. Oh, where do we come? Oh, that's a winner we come. Little baby, pa-ra-pa-pa-pa. I am a poor boy too, pa-ra-pa-pa-pa. I have no gift to bring, pa-ra-pa-pa-pa. That's fit to give our king. Oh, when we come. I said the ox and the lamb kept time. Pa-ra-pa-pa-pum. I played on my drum for him. Pa-ra-pa-pa-pum. Ra-pa-pa-pum. Ra-pa-pa-pum. Then he smiled at me. Pa-ra-pa-pa-pum. Me and my drum. Me and my drum. He smiled at me and my drum. I started to play for him.

tout droit sorti de l'écurie Motown avec Do You Hear What I Hear en 1975, qui était précédé d'un funky groove presque trop, et c'est rare que vous allez entendre m'entendre dire ça. On a entendu The Soul Saints Orchestra avec Santa's Got a Bag of Soul de 2005. Donc, voyez-vous, encore un de ces groupes dont je vous parlais tantôt qui se plaise à suivre les traces du vieux funk, tels des disciples de James Brown. Et on est resté dans le soul avec Lou Rawls et sa version très suave du Little Drummer Boy en 1967. On a aussi entendu un hit de Noël des années 80 qui est devenu un classique des fêtes avec le temps. J'ai nommé le duo britannique Wham avec Last Christmas de 1984, une composition de George Michael. Et sinon, c'est la voix profonde d'un habitué de Noël, Bing Crosby, qui a flatté nos oreilles avec son hit de 1951, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, et le tout amorcé par Mavis Staples en 1989, avec le thème du film Christmas Vacation, où au Québec, le sapin a des boules, qui met en vedette le seul et unique Chevy Chase, qui a fait son école à Saturday Night Live. Un film qui est aussi devenu un classique du temps des fêtes avec le temps. Mais là, on prend un petit break de Noël un peu, parce que la semaine prochaine, ça va être ça, vraiment. Mais on laisse le bon temps rouler. Shirley and Lee, au 99.1 CFNJ. La vraie radio du temps des fêtes, c'est CFNJ 99.1 et 88.9. Just one love in this whole world, and I know I've found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love. One kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another, there will never be another love for you or for me. Young love, flocons sont réunis. C'est Noël et pour pas que tu t'embêtes, voici pour toi ce joli rubis. Oh, à minuit, nous irons à la messe de minuit pour prier Jésus, notre seul ami. Et après, qui paraît qui fait du monde du bon poté. Oh, c'est Noël, car il neige dans mon cœur. Les flacons rondent de bonheur. Les sapins entonnent les clameurs, car dans la crèche ronronne le sauveur. Après, pour digérer le réveillon, dans le bogey, nous te blottirons comme le bœuf dans la crèche du divin poupon. Je soufflerai à travers ton manchon. Sur ma foi, oui, je crois qu'il mourira en croix. C'est Noël et j'espère qu'à mes nuits, oh ma chérie, je serai ton seul messie. Oui, ma chérie, je serai ton seul messie. Merci beaucoup. Il y a du bruit dans la cheminée, je crois qu'on va nous visiter. Oh, c'est bien lui avec sa pelle, je veux parler du Père Noël. Viens, bonhomme, fais comme nous autres. Ah, viens danser le rock and roll. On passe notre temps, comme tu vois, à le danser, rien de mal à ça. Cette fois-ci, comme présent, tu as bien compris. Pour attaquer le nouvel an, si tu veux que l'on soit content, c'est tout ton sac que tu verras. On choisira ce qui nous plaira. Les années sont les seules à cause de rock'n'roll, la même chose. Hey! Hey! Père Noël, tu reviendras l'an prochain, on sera encore là. Si t'as aimé la danse aussi, dis-le bien à tous tes amis. Laisse ton sacoué en même terrain, ça pourrait les mettre à la gêne. Car elles ne peuvent danser ces belles de rock'n'roll du Père Noël. Au 99.1 CFNJ, la magnifique guitare de Chet Atkins qu'on vient d'entendre sur Jolly Old Saint Nicholas en 1961, qui était précédé de nul autre que Marcel Martel avec son surprenant Rock'n'Roll du Père Noël de 1958, avec encore de la guitare incroyable. On a aussi entendu Paul et Paul, qui était originalement un trio, soit Paul, Paul et qui était constitué de Jacques Grisé, Claude Meunier et Serge Thériault. Et c'est là qu'on connaît bien l'humour absurde qui va être la base de ce qui va devenir Ding et Dong et La Petite Vie, etc. Donc, Paul et Paul, un groupe qui va durer de 76 à 81, de qui on a entendu ici le classique « C'est Noël ». Et sinon, deux classiques malheureusement méconnus de Sonny James avec « Young Love » de 1957 et « Shirley and Lee » en 56 avec « Let the Good Times Roll ». Et là, on a fini le bloc avec une pièce qui nous parlait du Old Saint Nicholas, soit Saint Nicolas, l'ancêtre, si on peut dire, du Père Noël, qui lui a été inventé par Coca-Cola, mais là, ça, c'est une autre histoire. Donc, on continue avec une chanson qui parle justement du même gars, Little Saint Nick, au 99.1 CFNJ. Time each year. Ooh. Well, way up north where the air gets cold, there's a tale about Christmas that you've all been told. And a real famous cat all dressed up in red, and he spends the whole year working out in his sled. It's the Little Saint Nick. Run, run, reindeer. Run, know one. And hauling through the snow at a frightening speed, with a half a dozen deer with a Rudy to lead. He's gotta wear his goggles, cause the snow really flies. And he's cruising every path with a little surprise. It's the little Saint Nick. Christmas comes this time each year. Ooh, Merry Christmas. Christmas comes this time each year. Ooh, Merry Christmas. Christmas comes this time each year. Thank you. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Herb Alpert et le Tijuana Brass, c'est ce qu'on vient d'entendre avec leur version de Sleigh Ride ou de la promenade en traîneau, si vous préférez. Donc, une pièce de 1968 par le groupe qui nous avait donné le fameux Spanish Flea que vous connaissez tous de 1965, même si le titre vous dit rien. Vous irez voir ça, Spanish Flea. Je l'ai déjà fait jouer à l'émission plus tôt cette saison. Et on peut encore percevoir quelques traces de cette pièce-là, justement, dans ce qu'on vient d'entendre, en plus des magnifiques arrangements vocaux, vraiment. Et justement, les arrangements vocaux, qui étaient pas mal le fil conducteur de notre bloc ici, juste avant, peut-être à votre grande surprise d'ailleurs, quoique vous commencez à être habitué, on a entendu une vraie, de vraie pièce de l'avant traditionnelle qui est en plein la période qu'on vit en ce moment, la période de l'avant. Donc, il s'agissait de l'ouverture de la cantate BWV 62 de nul autre que Jean-Sébastien Bach, soit « Nun komm der Heiden Heiland », une œuvre qui date originalement de 1724. Et je vous dis numéro parce que Bach a composé deux cantates qui portent exactement le même titre. Donc, on les différencie par leurs numéros respectifs, soit BWV 61 et 62. Et nous, on écoutait la 62. En fait, Bach a fait seulement trois cantates de l'avant que j'ai eu la chance, écoutez, petite note personnelle, le plaisir de chanter au sein du chœur du Musée d'art de Joliette en tant que baryton il y a quelques années de ça. En passant, excellent chœur, le chœur du Musée d'art de Joliette. N'hésitez pas à aller à un de leurs concerts, ça vaut vraiment la peine. Donc, Bach, cantate de l'avant dans une version ici de 1996 sous la direction du grand Philippe Herwig. Et c'est pas tout, on a aussi entendu quelque chose d'assez classique juste avant, mais beaucoup plus moderne. Il s'agissait d'un des magnifiques thèmes appelé Ice Dance, composé par Danny Elfman en 1990 pour le film de Tim Burton, Edward Scissorhands, ou Édouard aux mains d'argent, comme je vous dis, de Tim Burton. Très beau thème, qui n'est pas nécessairement de musique de Noël, mais qui a souvent été associé à la période des fêtes malgré tout. Et de toute façon, est-ce qu'on a besoin d'une permission pour jouer de la si belle musique? Mais on a aussi entendu, sinon, Ike et Tina Turner avec leur version explosive de Merry Christmas Baby de 1964, qui était précédée un an plus tôt des Beach Boys et de leur classique de Noël Little Saint Nick. Et OK, là, maintenant, on prend un autre petit break de musique de Noël. Il faut quand même que je m'en garde pour la semaine prochaine. On y va avec un bloc années 80 pour se changer les idées. En fait, fin 80 avec Inexis au 99.1 CFNG.

assis devant le curé. Quelques-uns sont impatients de découvrir leur beau présent. S'emballer, fa la la la la la la la la, c'est dans le cœur qu'on doit le trouver, fa la la la la la la la la, tant que la neige tombera ce soir, fa la la la la la la la, c'est Noël, oui c'est Noël. Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Caroline.

Ménoman, spécial semi-Noël au 99.1 et 88.9 et minuit, qui est déjà passé finalement. Écoutez, Joanne Blouin suivi d'Eddie Murphy. Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Ben oui, Eddie Murphy avec son seul succès en chanson Party All the Time de 1985 et Joanne Blouin en 89 avec Dor Caroline et son refrain épique. Sinon, on a entendu Band-Aid, qu'on a entendu aussi un genre de super formation à la We Are the World, si on veut, formée en 1984 par Bob Geldof des Boomtown Rats, un genre de groupe de punk irlandais, et qui est aussi l'acteur principal, en passant, du film The Wall de Pink Floyd. Donc, un super groupe qui va comprendre Phil Collins, George Michael, les membres de Duran Duran et de Kool & the Gang. Bref, toute une brochette qui se réunissait pour ramasser des fonds pour l'Éthiopie à l'époque et c'est devenu un classique de Noël depuis. On a aussi entendu le groupe québécois Bundok, fondé en 79 par celui qui lui donne son nom, soit Pierre Bundok. Et on a entendu leur gros succès Falalalala, qui était précédé des Fine Young Cannibals avec She Drives Me Crazy et Need You Tonight d'Inexis, respectivement 89 et 87. Et c'est ce qui nous amène à la fin de notre spécial semi-Noël. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez fait des belles découvertes ou peut-être que vous avez réentendu des choses que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas entendues. Bref, j'espère que vous avez aimé. Je vous promets un vrai spécial Noël, pas piqué des verres la semaine prochaine. Même heure, même poste, mercredi 21h. Je vous attends en grand nombre. Et là, je vous aime trop, Joanne Blouin. A comme donné le goût du refrain épique. Je vous laisse avec une reprise de Daniel Balavoine en vous souhaitant une bonne semaine et une très bonne nuit au 99.1 CFNJ. rien à faire. Il faudrait changer les rôles dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je raccroche à la vie, je me saoule avec le bonheur.